fait un bail quand gère le business. C'est pas pour l'image qu'on se met toujours en place, bébé. Nah, bébé. Laisse parler la grinta, faut qu'on ramasse. Domino bloqué dans la paresse. Quand les lits te caressent, ben les problèmes s'entassent, bébé. Tasse, bébé. Parti de Wello, j'finis en masterclass. En last minute, j'prépare les valises. Demain c'est Harbi ou arriver à Maya. J'taille avec deux sahab à moi. Wallah, si c'est pas pour le job, j'serai resté un mois. A mes côtés, y'a la quiche tralisse. La LV remplie, j'nachave à la playa. À la playa, même au Mexique, elle fait même michto celle-là. Ça fait un bail qu'on gère le business. Ça fait un bail qu'on gère le business, bébé. Nice, bébé. C'est pas pour l'image qu'on se met toujours en place. Ça fait un bail qu'on pue le business. Ça fait un bail qu'on pue le business, bébé. Nice, bébé. Laisse parler la grinta, faut qu'on ramasse. J'barre dans cabriolet, tout est violet, t'es allé all-star. Y'a du charisme, pas besoin d'un costard. J'vois que les mines jet viennent accoster. Tout en la coche, j'graille tout comme un gros là. J'ai la même gamberge qu'un spartiate. Si j'me lève de mon confort, c'est pour la bataille. J'ai pas bataillé pour Dahak à Pattaya. En last minute, j'prépare les valises. Demain c'est Harbi ou arriver à Maya. J'taille avec deux sahab à moi. Wallah, si c'est pas pour le job, j'serai resté un mois. A mes côtés, y'a la quiche tralisse. La LV remplie, j'nachave à la playa. À la playa. Même au Mexique, elle veut même michto celle-là. Ça fait un bail qu'on gère le business. Ça fait un bail qu'on gère le business, bébé. Nice, bébé. C'est pas pour l'image qu'on se met toujours en place. Ça fait un bail qu'on pue le business. Ça fait un bail qu'on pue le business, bébé. Nice, bébé. Laisse parler la grinta, faut qu'on ramasse.